début, y a ma naissance avec l'espérance. Dans l'ambulance, ma mère trimait et je voulais pas débarquer. On lui disait de pousser et moi j'insistais pour bien rester planqué comme un petit pédé. On dirait que je savais ce qui m'attendait, un drôle de monde pourri comme une truite du Aldi. Mais après 54 piqûres, j'ai fini par arriver et j'ai dû chialer pour me faire respecter. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en chanson d'un sacré con. Après tout cela, eh bien j'étais bien là avec maman, papa qui tentaient de m'éduquer. Je continuais à chialer, j'étais un sale môme qui voulait pas bosser. À l'école bien sûr, je préférais jouer. J'étais un biomane super puissant. Dans la cour de récréation, on me prenait pour un con. C'était de l'abus du club Dorothée que je matais tout le temps à la télé. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie estivale d'un biomane. Maman et papa ont fini par se séparer parce qu'ils ne s'aimaient plus. À côté, même Rambo était un trou du cul. Eh ben oui, ils faisaient des combats à la Street Fighter. Et moi j'avais un peu peur car je ne voulais pas qu'ils cassent mes jouets à moi. Et c'est bien là que ça s'est compliqué parce que moi, après, j'ai dû faire un choix entre maman, papa. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en chanson d'un sacré pion. Et bien après, le temps a quand même, il a quand même passé. Et je m'étais réfugié tranquille chez mon padre pour avoir la paix. Je sais pas si je rêvais, mais la vie ne s'arrêtait pas, s'arrêtait pas de me faire chier. Rien n'avait changé. C'est pas de la faute aux autres, c'est pas de la faute à moi. Ce monde il est comme ça, que ça plaise ou pas. Je taffais toujours pas à l'école pour moi. L'avenir je m'en tamponne, je bouffe plus les tubes de colle. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en paroles d'un tube de colle. L'apprentissage, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi je me le suis tapé en tant que serveur exploité. 35 heures des gauchistes, jamais je ne les connaissais. Avec les chefs à la con qui arrêtent pas de gueuler. D'ailleurs je lui ai chouré son froc sans faire exprès. Mais enfin, que voulez-vous? Dans la vie faut bosser si on veut avancer, même si ça peut faire chier. Quel que soit ce qu'on pense, fainéant ou drogué, moi j'en ai rien à branler, de toute façon j'ai eu mon CAP. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en chanson d'un travailleur dans le vent. Et oui, c'est une parodie, comme un peu tout le monde, on suit tous la même ronde. Et elle n'est pas terminée, je viens juste de la commencer. Copine, boulot, parfois trop de bière au bistrot. Rituel de l'humain qui recherche ses ailes. Les miennes sont en enfer, et d'ailleurs je préfère. Au moins il n'y a pas de mystère, on sait dans quel coin j'erre. Reste plus qu'à continuer, jusqu'à ce qu'on doit crever. D'autres avant l'ont fait, et n'ont jamais redébarqué. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en chanson d'un sacré con. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie estivale d'un biomane. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en chanson d'un sacré pion. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie en parole d'un tube de colle. Chanson de ma vie qui est une parodie, parodie.